Bonsoir à tous, bonsoir à toutes en ce lundi 5 janvier 2015. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un bon début d'année 2015. Je m'appelle Jean-François Lusignan et j'ai un petit rhume, oui, on peut le remarquer. Ce soir, c'est la dernière émission également du Terminus. C'est la fin de la saison et on prend une pause indéterminée pour le projet après 8 saisons et à peu près quelque chose comme 134 émissions originales. On prend une petite pause. Ce soir, donc, j'ai quand même pour vous 60 minutes d'Indie Rock qui est puisé dans les archives de l'émission. Je suis allé faire un petit tour là, cette semaine et je suis allé voir les groupes qui ont joué parmi ces différentes émissions. Et j'ai pour vous une sélection de groupes que j'aime particulièrement et qui ont joué donc au fil des saisons. On va débuter avec Giant Drag, le groupe Danny Hardy, qui se donne assez souvent dans l'humour noir. On va aller voir leur premier album qui est sorti en 2006, Hearts and Unicorns. La chanson qui ouvre cet album, et c'est celle qui ouvre l'émission de ce soir, Kevin is Gay de Giant Drag. For Eugen. Bye. Roswell Kid et Sleeping Bag et la chanson Chinchilla qui se retrouve sur un EP sorti en 2013, mini-album assez unique parce qu'il faisait il était l'occasion d'une rencontre donc entre les artistes du groupe Roswell Kid et de Sleeping Bag qui se trouvent dans des villes différentes, mais ils ont échangé des maquettes de chansons, des petits bouts, des extraits par courriel et autres Dropbox, j'imagine, et ça a donné donc 5 ou 6 chansons qui sont parues en 2013. C'est disponible sur le Bandcamp de Roswell Kid, donc très très très bon EP de cette rencontre entre ces deux groupes. C'était précédé de Lifted Super Crush, qui est un nouveau projet power pop de Mark Palm, qui est aussi le gars derrière le groupe shoegaze Modern Charms. Là, ce groupe-là est un peu moins shoegaze, mais il y a quand même une petite influence. Et Super Crush, après avoir sorti 2 chansons l'année dernière, en 2013, ont sorti le 29 décembre, donc l'année dernière, c'est en 2014, sur la page Bandcamp, une nouvelle chanson, donc très intéressante. Vous pouvez aller voir ça donc sur le supercrush.bandcamp.com. On reste à Vancouver pour la prochaine chanson. Il s'agit du groupe Japandroids, qui n'a pas donné de nouvelles depuis la fin de la tournée de leur album Celebration Rock, tournée qui a terminé en 2013. Semblerait qu'ils travaillent sur du nouveau matériel. Enfin, on attend ça impatiemment. D'ici là, on écoute la chanson Younger Us de Japandroids sur le 89.3 CISM. Never gonna end. chucks in the bathroom floor. I feel like God. Red chucks in the bathroom. And I chuck, chuck, chuck. And I chuck my guts up. And I chuck, chuck, chuck. I feel like God on the bathroom floor. I feel like God on the bathroom floor. Whoa, whoa. I feel like God. Oh, please don't touch me. I'll be sick in your face. Oh, please don't move me. Go easy. I'm queasy. And I chuck, chuck, chuck. And I chuck my guts up. C'était la chanson Chucky de Valentine, un trio australien qui qualifie sa musique de scrudge. On imagine que c'est du grunge dans lequel on crie. Eh bien, puis également aussi, donc c'est sûr que la musique de ce groupe-là rappelle Hole, évidemment. Donc, juste avant, c'était The Love Junkies avec Baby Come Home. Eux aussi sont australiens et tirent eux aussi leur inspiration de la musique produite pendant la décennie 90. Évidemment, ça paraît aussi. On poursuit avec un groupe qui a quand même un nom assez original, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver un nom original pour un groupe de musique. Le prochain groupe s'appelle Petty Sex. Petty Sex donne dans le punk shoegaze. On écoute la chanson Flower Girl, tout ça sur les ondes de CISM, le 89.3. Yeah. Jusqu'à 20h, vous écoutez Le Terminus sur les ondes de CISM, la meilleure de l'Indie Rock, Jean-François Lusignan avec vous. Ce qui vient de jouer, c'était Géraldine, Je ne suis pas ta secrétaire, de son album Sold Out Capitalisme, paru en 2010, et son dernier album complet, réalisé par Monsieur Navet Confi. On remarque sa marque de Navet Confi. Un album qui mêlait le rock, l'électro, le hip-hop et d'autres sonorités, un peu plus musique du monde. Il y a une chanson, entre autres, sur laquelle c'est plus évident. Enfin, en mars 2014, ça fait quasiment maintenant un an, et on a eu une nouvelle chanson de Géraldine qui servait, entre autres, à financer son nouvel album qui s'en viendrait, j'imagine, en 2015. Donc, restez à l'écoute pour peut-être du nouveau matériel encore de Géraldine au courant de l'année qui débute cette semaine. Et parlant de Navet Confi, il jouait juste avant Géraldine. C'était la chanson grunge de son LP2 qui paraissait en 2009, la face B de ce LP2 qui était LP2 qui contenait deux disques. Donc, concept double pour Navet Confi qui aime les concepts. Hein, il était venu à l'automne 2013, je pense que c'est ça, en 2013, parler de son concept de trois albums en même temps. Il nous a surpris, il nous a lancé trois albums et un best-of en même temps, même un quatrième album. Donc, toujours là pour nous surprendre. On va continuer avec maintenant du Swearin, groupe américain de leur album du même nom qui sortait il y a deux ans. On écoute la chanson Movie Star, toujours sur les ondes de CISM. We'll be right back. care. I can feel it in my bones. My bones. I can feel it in my teeth. My bones! I'm a bag of snakes, yeah. You see how long it takes. Sit like a bird. My teeth and my bones, my teeth and my bones, my teeth and my bones. directement d'Ottawa, c'était Roberta Bundar, pas l'astronaute, le groupe d'Ottawa, l'excellent groupe d'Ottawa avec la chanson Moon tirée de leur EP Roberta Bundar qui paraissait en 2012. C'était précédé d'un défunt groupe anglais qui s'appelle Fever Fever, une chanson qui s'appelle Teat, une des trois seules chansons qu'ils auront fait paraître. Celle-là apparaissait en 2011 et le groupe s'est par la suite séparé. Mais ils avaient un très grand potentiel, c'est à suivre. Peut-être que les membres du groupe feront encore de la musique, donc continuer à suivre leur page Facebook, dis-je, pour avoir des nouvelles. Donc feverfever.bandcamp.com pour réécouter ces chansons. On poursuit maintenant avec en français, avec le projet de Joël Martel, qui s'appelle Martel Solo. Il a lancé Monsieur Martel, c'est selon trois nouvelles chansons, je pense, dans le temps des fêtes sur sa chaîne YouTube. Il y en a une d'entre elles qui parle de la Maison Columbia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette fameuse Maison Columbia avec laquelle vous pouviez commander des disques ou cassettes par la poste. Et gare à vous si vous commenciez à vous abonner. On ne savait jamais quand ça allait terminer cet abonnement avec la Maison Columbia. En tout cas, Martel Solo nous en parle de sa chanson qu'on écoute à l'instant, Maison Columbia. Le nouveau shit ici, c'est Club Columbia. 12 cassettes pour une poignée de change. Il y a aussi des lasers, des disques compacts. Mais ça, t'en as moins, sauf que t'es dans le futur. Le nouveau Stone Temple Pilot. Le dernier de Metallica. Smash Mouth, Creed, The Everclear. Le meilleur de la musique est au Club Columbia. Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Me demandais, es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Chaque mois, on t'envoie une nouvelle cassette. Pis si t'as veux pas, tu peux la renvoyer. Mais watch out, si tu décides de la garder, ils vont te facturer pis ils t'oublieront pas. Niaise pas avec ça, essaye pas de t'évader, parce que le Club Columbia finit toujours par t'en trouver. Niaise pas avec ça, parce qu'une fois que t'es rentré, le Club Columbia, c'est à la vie, à la mort. Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? Es-tu dans le Club Columbia? We'll be right back. Amantani avec Dépense, une chanson inédite qui se retrouve sur la compilation, le volume 2, hiver 2013 de l'émission, défunte émission, ben en fait il en reste plus grand chose, l'émission Barbare enfin, qui se retrouve sur diffusée sur la chaîne ontarienne TFO. Maintenant je pense qu'ils diffusent seulement des clips ou des best-of, mais à un moment donné il va falloir arrêter de diffuser des best-of, on veut du nouveau de Barbare, oui. Avant Amantani c'était Martel Solo, Club Columbia, une nouvelle chanson. Si vous voulez réécouter l'émission de ce soir, ça se retrouvera dans quelques instants sur le CISM893.ca. Il y a les archives de l'émission également, leterminus.ca. La semaine prochaine, ce sera Gabriel Aucoin-Lo qui sera avec vous pour sa nouvelle émission Sous le radar, toujours dans les sonorités rock pour les lundis rock. Dans quelques instants également, ce sera Roman Blouin qui va être avec vous dès 20h avec l'émission Nous sommes les rockeurs. C'est comme je le disais en introduction d'émission, ce soir c'est la dernière du Terminus. Je voudrais remercier CISM de m'avoir permis de réaliser, de produire cette émission-là pendant les 8 dernières saisons. Alors voilà, on va se quitter sur la musique de Deer Hunter, Nothing Ever Happened. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt, qui sais-je, qui... c'est ça, au revoir. Just your eyes to the state of things. Focus on the depths that